Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnes. Présentation demain du UFC 249 qui sera présenté à Jacksonville en Floride. Et c'est la première fois depuis un mois et demi qu'on a du sport live. Et c'est le UFC qui revient. Et on va en parler avec Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Hey Claude, du sport en direct. Peu importe le sport, là, c'est en direct. Et je pense que les gens, demain, moi, je m'attends à un gros UFC. Ben écoute, je pense que. Avec ce qu'on vit présentement, là, le UFC sont chanceux que Dana White qui pousse fort pour, ouais, pour faire des shows. Là. Ça fait qu'on va avoir un show demain, c'est le fun. C'est sûr, c'est le fun pour tout le monde. Est-ce que, on en parlait avant de rentrer en onde, pour le UFC, je pense que demain, il faut s'attendre à avoir des recettes incroyables, là, étant donné que c'est la première fois qu'on a du sport en direct. Oui, là, c'est, en effet, ça va être particulier. Puis, comme je te disais, écoute, Dana White disait que normalement, quand tu fais un show normal, un UFC numéro, les entrées, là, ça paye même pas le show. Là. Donc, on sait que c'est pas avec ça qu'ils font leur argent, c'est avec les pay-per-view, les commanditaires et tout ça. Là, on sait qu'ils vont être les premiers presque à des sports, des gros sports à refaire un show. Écoute, je pense que le monde, il y en a beaucoup qui vont louer. Par contre, il y en a qui disaient que normalement, un UFC, on loue ça, puis on fait venir 5-6 à notre chambre, puis on écoute ça à la gang. Dans ce cas-là, le monde va tout compartimenter. Peut-être que ça va même augmenter les ventes encore. En tout cas, peut-être qu'on va... Puis en plus que la carte, sérieusement, il y a beaucoup de gros noms. Ça se peut qu'il va peut-être battre des records de pay-per-view. On ne sait pas où ça va être un flop total. On verra. Demain, écoute, c'est à Jacksonville, ça va se passer sans spectateurs. Ouais, c'est ce qui est particulier, là. Par contre, je trouve ça intéressant pour les fans, parce que pour une fois, les fans vont entendre vraiment qu'est-ce qui se passe là, quand on est proche de la cage et peut-être entendre plus les coups. Ben, ils vont entendre les coups rentrer, ils vont entendre les directives des hommes de coin. Ça va être intéressant dans ce sens-là. Là. Ça va être une belle expérience, je pense, pour un fan qui aime vraiment le MMA. Là. Ça va être particulier, mais ça va être vraiment le fun pour eux autres. OK. Donc, tu l'as mentionné, il y a plusieurs gros noms dans cette carte-là. Ben écoute, la carte est loadée, je m'excuse l'anglicisme, là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Quand tu parles qu'en demi-finale, là, je pense que la demi-finale, c'est Anthony Pettis contre Donald Cerrone, là. Je veux dire, là, on... normalement, c'est une finale, ça, il n'y a pas de problème. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros noms. C'est sûr qu'on les parle peut-être pas un par un, là, mais je veux dire, c'est une carte, on a tout, là. On a à partir du premier combat presque, là, aller jusqu'au dernier. La fin de mouille va reconnaître tout le monde. On a Ronald Souza visite Uriah Hall, écoute. Deux gros noms connus, deux gros bonhommes, deux top 5, comme on pourrait dire, qui vont se livrer toute une guerre. Un gars de debout, comme plus un ancien lutteur, plus un gars de BJJ, ça va être intéressant. On a des femmes aussi. On a Carla Esperanza visite à Watterson, ça va être très bon. Des gros bonhommes. Verdum visite. Écoute, tout un nom. Anthony Pettis, comme je te disais, visite Cerrone. Écoute, il y en a tout le long comme ça, jusqu'à aller à Cebuyo visite Dominic Cruz. Fait que c'est sérieusement, moi, je pense que. Bon, écoute, on pourrait s'ostiner là-dessus, mais c'est une des plus grosses cartes avec les plus gros noms qui a été mis sur pied là, jusqu'à maintenant. As-tu voulu? Ben vraiment, là, c'est parce que. Il a pris un break, puis il a dit on va revenir avec vraiment quelque chose de gros, et puis étant donné qu'il y a beaucoup... Ben écoute, je pense qu'il va en faire plusieurs des shows, il veut pas arrêter lui, là. C'est embêtant, peut-être qu'avec tout ça, ça coûte moins cher au bout de la ligne, tant qu'à faire une grosse production, là, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est un ring avec le minimum, avec le minimum de grains, avec la production qui fait pour la télédiffusion puis tout ça. Peut-être qu'au bout de la ligne, ça coûte bien moins cher faire ça, puis il va faire plus d'argent, je ne sais pas. C'était embêtant avec Dana White un peu, mais écoute, la carte est loadée. D'un bout en l'autre, Ngannou contre Yarino, là, écoute, c'est un gars qui est 10-0, c'est deux gros bonhommes, ça va se taper dessus, ça va être peu, hein. C'est une grosse carte. OK. La Claude, on s'en reparle pour le prochain UFC ou UFC 250? C'est bon. Notre ami Claude Perron.